Le suprême Adolfo Monteba Chilamouina. Soyons posés. C'est comme ça, Adolfo Monteba Chilamouina. Boudiadia FBMM. Fumeur sans autre cachet, mon bon, mais on a la tête aux anneaux qu'on doit quitter. Mon nom est au Nicole César, l'espoir, il y a monsieur Franck Timaraïde. Jean-Jacques Maloubou, Carlos Toratala de Hollande, Christian Melos, Willy Etoka, Raoul Omina, Paul Vuma, Tony Kaleta, Ibrahim Eladj. Fidélité, commissaire Marie-Jeanne Lamara. Adolphe Toumba, Michou Bumbanga, Michou Moussampa, Honorable et chancelier Dany Nkongolo le Sphinx. Mon ami Montevano. Mon ami va bien chez la mine et chez les zombies. La cour des Kanakongo est bien chadanée, c'est Gabi. Mon ami va bien chez la mine. Patrick Moukan. La cour des Kanakongo est bien chez la mine et chez les zombies. Ma cour des Kanakongo est bien chez la mine et chez les zombies. Patrick Séoul. La cour des Kanakongo est bien chez la mine et chez les zombies. Jojo Maniki Mapata Godé Kayonda Moïse Katumi Niuta Kiwi Kitenge Kikumba Papi Blaise Moukou Cardozo Mwamba Raissa Vambou Don Kiro Kazatoure Martin Chamoulis. Garage Bouche, il va. Kourou, il a l'étoile du Parlement, il cobre. Yedene Bamouina, il faut pas nous aller, il faut Christian Monde Sim à l'argentier du Katanga. Richard Kabalana, le club. JP Amadi Agro Piscicole Wapi Peris et Remani Tête Blanc et Gant Chris et Chora